Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex, bienvenue sur Radio Gameuse Station 107 FM pour cette 25e chronique de Mille et une histoires de tatouage. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions parlé de l'origine ainsi que de la signification de la scarification. Nous avions ensuite continué avec le style de tatouage 3D et avions terminé avec le motif du pistolet ainsi que ses significations. Pour cette nouvelle chronique, nous parlerons des scarifications corporelles dans les religions, puis nous partirons à la découverte de la première partie du tatouage au jaguar et terminerons par un motif et ses significations. Démarrons sans plus tarder. Après avoir parlé de l'origine de la scarification corporelle, où l'on a vu que, dans le monde moderne, cette dernière servait à mettre en avant son individualité, mais aussi devenir des démarches individuelles et des objets de curiosité, voyons maintenant la scarification dans les religions. La plupart des religions proches des cultures traditionnelles intègrent les modifications corporelles admises par le groupe sans les questionner, voire en les valorisant. Cependant, les autorités spirituelles du christianisme, du judaïsme et de l'islam ont tendance à les réguler afin de lutter contre les pratiques antérieures à leurs révélations respectives et se distinguer des communautés païennes. Les trois monothéismes, donc le christianisme, le judaïsme et l'islam, partagent cette idée que l'homme, comme il a été créé par Dieu, ne s'appartient pas, et qu'il n'est donc pas libre de modifier son apparence corporelle. Les Hébreux se réfèrent au Lévitique, le troisième des cinq livres de la Torah, l'enseignement divin transmis par Dieu à Moïse. Il n'y a qu'une seule mention de ces pratiques dans la Bible ou à un des 613 commandements, appelé aussi Mitzvot, touchant au respect du corps. Les chrétiens, quant à eux, avaient pour coutume de se faire tatouer un signe de reconnaissance, une croix ou un monogramme du Christ. D'ailleurs, le tatouage a été longtemps proposé aux pèlerins chrétiens qui se rendaient en Palestine autour des lieux saints. Dans ce même esprit, il était pratiqué en Europe dans l'enceinte du sanctuaire de la Sainte Maison de Lorette, une maison où, selon la tradition chrétienne, Jésus-Christ fut conçu du Saint-Esprit au sein de la Vierge Marie. D'ailleurs, d'après la légende, cette maison, aussi appelée Maison de Nazareth, aurait été miraculeusement transportée de Palestine en Italie. Cependant, un imprimé exprimé en 789 lors du concile de Calcus en Angleterre portait plus largement sur l'abolition des restes des anciennes religions païennes. Il existe tout de même un opposé à cela. En effet, lorsqu'un chrétien se retrouve minoritaire en terre d'islam, comme c'est le cas des coptes d'Égypte ou des catholiques de Bosnie-Herzégovine, ces derniers avaient recours au tatouage afin de se différencier des musulmans. Ces marques avaient pour effet de rendre plus difficile l'apostasie, qui est l'attitude d'une personne renonçant publiquement à une doctrine, une croyance ou une religion. Pour l'islam, l'on peut retrouver dans le Coran une référence prohibant indirectement la modification corporelle, ainsi que, de manière très explicite, dans de nombreux hadiths des communications orales du prophète de l'islam Mahomet, en voici quelques-uns. Dieu a maudit celle qui se tatoue, celle qui tatoue, celle qui s'épile le visage, celle qui lime leurs dents pour les séparer afin de paraître belle, celle qui procède dans le but de changer la création de Dieu. Allah a maudit celle qui relie leurs cheveux à d'autres, celle qui demande que l'on leur fasse, celle qui se tatoue et celle qui se tatoue. Je veux dire par mon père que le prophète a interdit l'argent du sang, l'argent de l'achat ou vente du chien, celui qui se nourrit du riba et qui nourrisse avec le tatoué et le tatoueur. Une femme qui tatoue a été présentée à Omar. Il s'est levé en disant « Je vous supplie au nom de Dieu de me dire qui a entendu les dires du prophète sur le tatouage. » Abu Huraira a dit « Je me suis levé et dit « Oh roi des croyants, moi j'ai entendu. » Il a dit « Tu as entendu quoi ?» J'ai dit « J'ai entendu le prophète dire « Ne vous tatouez pas et ne tatouez point. » Le bon Dieu a maudit celle qui se tatoue et celle qui tatoue, celle qui s'épile le visage et celle qui lime les dents et les sépare afin de paraître belle, celle qui veut changer de création de Dieu. Comment ne maudirais-je pas celle que le prophète a maudite et cela se trouve dans le Coran ? Mais si l'islam et le judaïsme exigent que l'être humain retourne à la terre comme il y est venu, ces deux religions font une exception notable pour la pratique de la circoncision. Pour terminer, peu importe la rigueur théorique de leur position dogmatique, les trois monothéismes ont, de tout temps, dû faire des concessions sur les modifications corporelles mineures, notamment le port des boucles d'oreilles, pourtant associées, chez les premiers chrétiens, au mal et au démon. Les juifs, qui, dans certains camps d'extermination nazis, se sont vus imposer des tatouages forcés. D'ailleurs, cette pratique voit, avec la mort des derniers survivants, se développer une pratique mémorielle, mais contestée, qui consiste, pour un descendant, à se faire tatouer sur le bras le numéro de matricule d'un ancien déporté. L'islam, quant à lui, a dû accepter les scarifications des peuples subsahariens et les tatouages prophylactiques et thérapeutiques, appelés tatouages à Ajam, qui est l'opposition du tatouage Lusam décoratif des populations berbères et kabyles. L'on parlera de ce dernier dans une future chronique. Comme vous avez pu l'entendre, la scarification est admise dans toutes les religions, même si elle est mal vue, surtout dans l'islam. Dans la prochaine chronique, nous ferons une sorte de résumé de toutes les modifications de la peau. En attendant, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette chronique, le tatouage au jaguar. L'on parlera de la première partie de celui-ci. Depuis quelque temps, vous songez à vous faire tatouer. Vous avez peur de sauter le pas. Vous craignez de vous lasser du motif et de devoir passer par la case des tatouages. De plus en plus populaires, les tatouages temporaires intriguent, notamment celui au jaguar, censé être naturel et tenir 2 semaines. Mais qu'est-ce que le tatouage au jaguar? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Le jaguar, ou jaguar avec un W, est une plante issue de la forêt amazonienne. La rumeur voudrait qu'elle soit utilisée depuis des millénaires par les populations locales. Cette plante produit un fruit dont le jus devient bleu foncé, presque noir au contact de la peau. C'est ce jus transformé en gel qui est utilisé pour réaliser les fameux tatouages au jaguar. Mais comment réaliser ce dernier? Contrairement au tatouage au henné, dont on a parlé dans la chronique numéro 6, le tatouage au jaguar se réalise avec une seringue très fine. Mais ne vous inquiétez pas, le produit n'est pas injecté. La seringue sert à obtenir des contours nets et des motifs précis et jolis. Il est possible d'ailleurs de vous le faire vous-même. Cependant, il est conseillé de porter des gants afin d'éviter les taches sur les doigts. Lorsque votre tatouage sera terminé, vous devrez le laisser à l'air libre pendant une demi-heure, voire une heure. Une fois cette heure passée, vous devrez recouvrir votre tatouage d'un sparadrap médical afin que les pigments s'accrochent bien à la peau. Celui-ci sera posé pendant 3 heures minimum où il faudra éviter les frottements et le contact avec l'eau. Une fois ce temps passé, il est tout à fait possible de retirer le pansement et de rincer vos tatouages avec de l'eau et du savon. Étant très colorant, il ne faut pas laisser le jaguar tel quel sur votre peau car il risque de baver et donc de gâcher votre motif, voire même de tacher vos draps si vous vous le faites avant d'aller vous coucher. Ce tatouage se développe en quelques heures, c'est donc totalement normal si, au début, il paraît très clair. Ce n'est qu'après quelques heures qu'il deviendra noir en passant par l'étape bleu foncé. Mais quelle est la durée de vie d'un tatouage au jaguar? Est-ce vraiment un tatouage naturel? Ce sont des questions auxquelles nous répondrons avec plusieurs autres dans la chronique suivante. Vous avez tout de même déjà une petite idée de ce qu'est le tatouage au jaguar, mais ne vous précipitez pas avant de vous lancer. Attendez la chronique suivante. Et voici la dernière partie de cette chronique, un motif et ses significations. Le motif du jour est la hache. Commençons par la petite histoire de la hache. Comme vous le savez toutes et tous, la hache est un instrument qui sert à couper et à fendre le bois, ou un crâne humain. En effet, la hache pouvait aussi bien servir à se défendre qu'à construire sa maison ou à chasser. Ce fut l'un des premiers outils fabriqués par l'homme et, en fonction des civilisations, elle a différentes significations. Une hache dans un tatouage peut avoir plusieurs définitions. Elle peut tout d'abord être un symbole divin. Depuis le mégalithique, la hache est rattachée au dieu du tonnerre et le représente. Lors de cette époque, les populations nordiques portaient en pendentif une perle d'ambre ayant la forme d'une hache représentant ce dieu. Donc, si vous aimez les symboles vikings et nordiques, la hache sera un motif qui peut être intéressant. De plus, elle est tout comme la hachette, l'emblème des guerriers, tomahawk, hache francisque, etc. Ce n'est pas là la seule signification de la hache. En effet, elle peut être un lien avec un métier. De nos jours, dans le tatouage, les idées des clients pour passer sur les aiguilles foisonnent, et certains n'hésitent pas à porter un tatouage en lien avec leur profession. Et une hache tatouée en old school pourrait tout à fait convenir à un futur bûcheron au Canada, non? Au Canada, et pas que, même ailleurs bien sûr. Les emplacements idéaux pour se faire un tatouage hache qui revient assez régulièrement sont les bras ou les jambes, mais il est tout à fait possible de se faire tatouer une hache sur un torse ou derrière l'oreille. Les styles utilisés pour faire tatouer une hache sont le old school, car la hache peut parfois être représentée avec un bûcheron ou le néo old school, voire le black and grey. Il existe plusieurs tatoueurs spécialisés dans ce type de tatouage. Jamison Stadgard, qui travaille à Fortified Tattoo Co. en Californie, plus précisément à l'adresse 135 North Ash Street. Valérie Vargas, que l'on peut trouver au shop Modern Classic Tattoo, 346 North End Road à Londres. Mais il y a aussi des tatoueurs français que l'on peut trouver. Moonkey, tatoueur au shop Turbo Zero, dont l'on a déjà parlé dans plusieurs chroniques, et que l'on peut trouver 11 rue Paris, à Nantes, ou encore Cécile de chez Moon Tattoo, un shop situé 6 rue de la Barre à Cluny. Bien sûr, ce ne sont là que quelques exemples de tatoueurs, il en existe sûrement d'autres. Dans tous les cas, si vous êtes à la recherche d'un motif de tatouage dans un style old school représentant le dieu du tonnerre, l'emblème des guerriers ou votre métier de bûcheron, il est tout à fait possible de vous faire tatouer une hache. Et même si l'on voit plus souvent ce type de tatouage sur le bras ou la jambe, libre à vous de le placer où vous le souhaitez.